Une chambre rocío, ma chambre est rectangulée, il n'est pas de fenêtre et il est une couleur black. Les meubles sont black. Le lit est unique. Armarie à trois portes et une est de un miroir et une commode blanche avec cristal, ce qui lui donne une touche sonnerie, est-ce que c'est le super topis flamenc rouge.